Confusion de patrimoine entre une SCI et une société commerciale. Le liquidateur judiciaire d'une société commerciale avait demandé l'extension de sa liquidation à une société civile immobilière qui avait donné en location des locaux à la société commerciale. Il faisait valoir que la différence entre les loyers facturés pendant plus de 3 ans, près de 1,3 million d'euros, et ceux encaissés par la SCI, moins de 500 000 euros, constituait un flux financier anormal, caractérisant une confusion de patrimoine. La SCI, qui avait le même dirigeant que la société commerciale, avait alors opposé qu'il n'existait aucune imbrication inextricable des éléments d'actifs et de passifs des deux sociétés et que le commissaire aux comptes de la société commerciale avait certifié les comptes de celle-ci sans émettre de réserve sur le paiement du loyer. Ces arguments ont été écartés par les juges et la liquidation judiciaire étendue à la SCI. En effet, la certification des comptes d'une société ne suffit pas à exclure l'existence d'une confusion de patrimoine entre elle et une autre société si la comptabilité révèle des relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.